Battre, frapper, taper un enfant, lui donner une claque ou une fessée n'est pas une nécessité éducative. Utiliser la violence pour se faire respecter n'est pas une manière de mettre des limites à un enfant pour bien le faire grandir. Intimider un enfant n'est pas un moyen de lui apprendre la frustration ni l'art de grandir. La liste est longue des préjugés qui font que la violence éducative perdure. Et pourtant, il a fallu attendre le 10 juillet 2019 pour que la France devienne le 56e pays à adopter une loi qui interdit les châtiments corporels. Alors pourquoi si tard ? Psychiatrie, philosophie, histoire et anthropologie ne seront pas de trop ce matin pour tenter de répondre à cette question. Ici souffrit le pauvre Antoine Doinel, puni injustement par Petite Feuille pour une pinote tombée du ciel. Entre nous, ce sera dent pour dent, œil pour œil. Ah, tais-toi, ça suffit! Tu entends ce que je te dis? C'est comme si j'existais pas c'est ici. C'est pas vrai. C'est vrai. Tu sais très bien que c'est pas vrai. Vrai. Écoute, je t'aime. Je t'aime. Je fais tout ce que je peux. Et si ça j'en ai rien pas... à foutre que tu m'aimes, ta tête me dégoûte, bon, ton odeur me dégoûte, et ça me fait chier que tu sois ma mère. Où c'est que tu vas? Je vais à la maison. Bruno, viens ici. Non, t'es trop méchant. Veux-tu venir ici? Non. Bruno, viens où je vais te chercher. Non, je m'en vais. Bruno. Bruno, tu vas m'écouter. Regardez-moi ça, ce sale gosse, allez, viens. Non, t'avais qu'à pas me donner une gifle. D'abord, c'est toi qui m'as énervé. Allez, suis-moi. Non, j'irai pas, t'as qu'à te débrouiller tout seul. Bruno, vas-tu obéir? Mauvais caractère. Méchant. Tais-toi, sale gosse. Ce soir, on dirait à maman, tu verras. Ouais, t'en auras peut-être bien une autre. Bonjour, Daniel Delanoë. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes psychiatre, anthropologue, clinicien en psychiatrie transculturelle, chercheur associé à l'INSERM et à la Maison des adolescents de Cochin, et vous avez écrit un livre qui s'appelle « Les châtiments corporels de l'enfant, une forme élémentaire de la violence » paru aux éditions RS avec une préface de Marie-Rose Moreau dont j'ai lu quelques lignes en introduction. Le montage que l'on vient d'entendre, concocté par Laurence Malonda, a quelque chose d'absolument insoutenable et pourtant fait résolument partie de notre imaginaire culturel habituel. Absolument, c'est l'univers dans lequel nous vivons, où la violence, alors là c'est très intéressant, parce qu'on a de la violence physique, de la violence psychologique, des menaces, des insultes, donc c'est tout ce qu'on appelle la violence éducative, qui s'exerce en pleine légitimité, et on voit cet enfant qui, d'une intelligence prodigieuse, nomme ce qui lui arrive. Quand il dit, tu es ma mère, mais je n'aime pas, je ne voilà. t'aime pas, je ne te supporte pas. Absolument. Et t'avais qu'à pas me frapper. Et le père, alors ce qui est très intéressant, c'est que le père dit, un argument très fréquemment utilisé, tu m'as énervé, fallait pas m'énerver. C'est-à-dire que, et ça c'est aussi un argument fréquemment utilisé, le parent ne peut pas se contrôler, c'est l'enfant qui l'a cherché. Donc là aussi, il y a une justification de l'absence de contrôle du parent face à l'enfant qui est assez surprenante. Un enfant de quelques années n'a pas les moyens de contrôler son impulsivité comme un adulte qui est censé le faire. Mais c'est l'enfant qui est responsable finalement de la violence qui lui est infligée. C'est blaming the victim. Ouais. Alors que cet adulte, si c'était interdit, eh bien, il se contrôlerait. Et c'est parce que ce n'est pas interdit qu'il se l'autorise. C'est-à-dire s'il tapait l'enfant de son voisin, là, ce serait interdit. Et le parent de l'enfant voisin pourrait porter plainte. Et il le sait très bien. Et nous le savons tous très bien, parce que nous ne donnons pas des claques aux enfants de nos voisins, mais à nos enfants. Alors, votre livre est absolument passionnant, je tiens à le dire d'emblée, parce que vous proposez des recherches très précises qui montrent les mécanismes historiques, anthropologiques et sociaux qui conduisent à cet état de fait. Qui aujourd'hui est peut-être en train de changer. En tout cas, je le disais en introduction, il a fallu attendre le 10 juillet 2019 pour que la France devienne le 56e pays à adopter une loi qui interdit les châtiments corporels. On va revenir sur ce que signifie l'expression de châtiment corporel. Pourquoi si tard? Pourquoi 2019? Et que signifie cette loi? C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit du tout de lever la main sur son enfant pour des vertus éducatives, c'est ça? C'est ça. Alors, la loi dit que l'autorité parentale doit s'exercer sans violence physique ni psychologique. Bon, c'est le texte de la loi, qui d'ailleurs a été beaucoup édulcoré par rapport à la proposition de loi qui avait été proposée par Maud Petit en novembre 2018, qui nommait justement qui utilisait les mots de châtiment et punition. Mmh. puisque si on ne définit pas la violence psychologique ou physique, ça reste assez flou, alors que la punition, c'est beaucoup plus précis. Mais justement, c'est un élément de réponse à votre question. Il y a eu une réticence de la France, d'une grande partie de la classe politique, à légiférer, et cette édulcoration de la loi telle qu'elle est apparue en 2019 a été le résultat de négociations à l'intérieur du Parlement pour avoir un texte le plus, finalement, anodin possible. Pourquoi ? D'abord, il faut dire que c'est en 1979 que le premier pays au monde à interdire les violences éducatives, donc les châtiments corporels et la violence psychologique, c'est la Suède. 1979, au terme d'un processus d'une dizaine d'années, et il se trouve que c'était le pays le plus avancé au monde en termes de droits de l'enfant, de droits des femmes, de la redistribution sociale. C'était la pointe avancée de la social-démocratie et de l'État social. Et c'est bien pour cette raison que la Suède a pu défendre les droits de l'enfant. C'était 10 ans avant la Convention internationale des droits de l'enfant, un traité de l'ONU, un traité contraignant, qui a été signé par tous les États du monde, sauf les USA qui sont réticents à signer tous les traités, et la Somalie. Donc la France l'a signé. Et dans la Convention internationale des droits de l'enfant, il y a des principes qui interdisent de frapper, de minorer, d'insulter, d'humilier, de menacer un enfant. Et le comité des droits de l'enfant de l'ONU, qui est un élément du comité des droits de l'homme, veille à l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant et auditionne tous les États régulièrement. La France a été auditionnée en 2006, 2009 et 2016 pour voir comment elle appliquait cette convention. Et chaque fois, on lui a rappelé qu'elle ne remplissait pas exactement ses obligations, puisque notamment, elle n'interdisait pas un fameux droit de correction sur lequel on pourra revenir. Donc, il a fallu attendre entre 1999 et 2019 pour que la France l'applique. Et ce n'est pas faute qu'il y ait eu des initiatives. Par exemple, Edwige Antier, qui était députée, une pédiatre, qui était membre de la majorité de l'époque, propose en 2009 un projet de loi interdisant les punitions corporelles et psychologiques. Refus, même que ce soit pris au niveau du gouvernement. En 2014, des élus de la majorité socialiste de l'époque proposent un amendement à un projet de loi sur l'autorité parentale, disant qu'on allait interdire les violences éducatives. Les violences éducatives, c'est une violence qu'on inflige à l'enfant dans le but de corriger son comportement dans un but éducatif correspondant à des normes admises. Donc, dans la plupart des sociétés occidentales, on dit qu'une violence éducative s'exerce sans brutalité excessive, c'est-à-dire sans cicatrice, grosso modo. Il ne faut pas qu'il y ait de marque. Il ne faut pas qu'il y ait de marque. S'il n'y a pas de marque, s'il y a des marques, on fait un certificat médical, on est dans les sévices. S'il n'y a pas de marque, on laisse passer et on est dans l'éducation. C'est peut-être pour ça que quand on fait une recherche en ligne, on met le mot « gifle », les recherches associées qui apparaissent, c'est comment faire disparaître la trace de gifle sur la joue. Exactement. Voilà. C'est ça. C'est la trace, on est dans les sévices. Ça, c'est depuis le 19e siècle. Et là, il s'agit précisément... alors, le critère de la trace, si vous voulez, il est culturellement construit. C'est-à-dire, moi, j'exerce en banlieue parisienne et je vois des familles qui viennent de tous les pays. Et je me rappelle d'une maman qui m'a dit, voilà, mon fils va à l'école primaire, le directeur m'appelle tous les jours parce qu'il est insupportable et qu'il doit le prendre dans sa salle pour que la maîtresse puisse continuer à faire cours. Et un matin, je suis arrivé en lui disant, eh bien, monsieur le directeur, aujourd'hui, mon enfant va bien se tenir, je lui ai donné 3 coups de ceinture. Parce que c'était les normes de la culture et du pays d'où elle venait. Elle-même avait été élevée comme ça. Donc en fait, c'est l'absence ou la présence de traces est un critère culturellement déterminé, particulier. Oui, mais la réticence de la France à voter une loi qui interdise les châtiments corporels signifie que tout le monde n'est pas d'accord sur le fait de reconnaître que la violence n'a pas sa place dans l'éducation. Absolument. C'est-à-dire que peut-être une majorité d'ailleurs de personnes pensent que la fessée, pour prendre le cas de violence le plus banalisé, c'est pas si grave et que ça peut permettre en effet de corriger l'enfant et que parfois on n'a pas le choix. C'est une croyance absolument répandue. Vous parliez de fait social hier, c'est un fait social aussi. C'est une croyance absolue et qui remonte à l'Antiquité. En fait, hein. Je finis sur la France. Allez-y. Donc en 2014, il y a cet amendement qui est proposé. Et la secrétaire d'État à la famille, à l'époque, Laurence Rossignol, dit « Écoutez, non, on va mettre cet amendement dans un projet de loi sur la protection de l'enfance qui sera voté à l'automne. » Ce n'est pas apparu non plus. Ce qui s'est passé, pourquoi ? Elle a dit « On sort d'une période difficile, il faut apaiser les esprits. » D'où on sortait ? On sortait de la manif pour tous. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, on va la voir, il y a des arguments religieux très forts, justifiant la violence éducative. On verra pourquoi. Mmh. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que François Hollande a eu peur qu'en interdisant la violence éducative, la fessée, la claque, les châtiments corporels, il donne l'occasion à ce groupement d'un manif pour tous qui regroupait les droites traditionnelles de toutes les religions, mais en particulier catholiques, de redescendre dans la rue. Et donc, on a repoussé cet amendement. Et il a été repoussé, finalement, il a été mis dans une loi de 2016, la dernière loi du quinquennat Hollande, égalité et citoyenneté, mais il a été retoqué par le Conseil constitutionnel en janvier 2017, au titre technique, justifié que c'était sans rapport avec le thème principal de la loi, c'est un cavalier législatif. Le lendemain de cette décision du constitutionnel, le 27 janvier 2017, dans la commune où je travaillais, un père a battu son enfant qui avait 16 ans, qui n'était pas allé au collège, lui a donné des coups de ceinture, l'enfant est mort. Il a fait un arrêt cardiaque. Dans les 15 jours qui ont suivi, 3 autres enfants ont été punis à mort par leurs parents. Il y a plusieurs dizaines d'enfants qui décèdent sous les coups de leurs enfants, et de leurs parents. Et dans 3/4 des cas, ces coups commencent par des punitions. Donc ce n'est pas du sadisme initial. Et donc en Suède, on a montré qu'il n'y a plus d'enfants qui décèdent sous les coups de leurs parents depuis qu'on a interdit les violences admises normales. Donc il y a un continuum entre violence normale et violence considérée comme sévice. Donc il y a eu un refus de protéger l'enfant. Hein. Les enfants n'ont pas été protégés par ces différents gouvernements. Donc un refus qui serait sans doute d'ordre politique, hein, c'est ce que vous dites. Et je dis que c'est un enjeu social, un enjeu politique, que c'est, il y a une... Et effectivement, dans les négociations dont je vous ai parlé par l'heure, c'est toute la droite religieuse ou d'appartenance catholique, etc. La France est très catholique, même si elle ne va pas encore, elle ne va plus à l'église. Donc il y a cet enjeu-là. Et d'ailleurs, dans la dernière mouture du catéchisme, je crois de 1992, Ratzinger, qui à l'époque était cardinal, qui a supervisé le catéchisme, cite les proverbes bibliques disant qu'il faut frapper l'enfant. Ouais. Il dit qu'on doit corriger l'enfant. Et le pape François a accueilli il n'y a pas très longtemps des familles, et il a dit « Oui, c'est bien aux parents de corriger l'enfant. Corriger, ça veut dire frapper. C'est le sens que donnent les proverbes. » Alors, on va venir dans un instant sur les arguments religieux qui viennent en faveur d'une correction physique de l'enfant par l'adulte. Mais d'abord, revenons à une actualité qui peut paraître secondaire et qui pourtant justifie qu'on parle de ce sujet aujourd'hui. Il y a quelques jours, on a beaucoup parlé de la gifle qu'un citoyen avait administrée à Emmanuel Macron. Ça nous a rappelé la gifle que François Bayrou avait donnée à un enfant 20 ans avant. C'était en 2002. Écoutez. Voici un autre geste qui comptera, c'est une gifle, toute simple, une baffe quoi, une taloche, mais qui arrive comme un symbole dans une campagne où à peu près tout le monde s'accorde à dire que l'État manque d'autorité. Si vous avez raté l'épisode, c'était donc lundi à Strasbourg, dans le quartier de la Méno. Le candidat UDF, pris à partie par une quarantaine de jeunes, était allé à leur rencontre et s'était tout à coup retourné pour gifler un enfant de 10 ans qui, effectivement, lui, fouillait dans les poches. La question était au cœur de sa réunion publique hier soir à Blois, Jean-François Aquili. François Bayrou, redresseur de tort, à la tribune, le candidat a justifié son geste. Main pour main, il y a une taloche qui est partie. Paternel, un geste qui n'avait qu'une signification. Il est temps que les adultes fassent à nouveau leur boulot d'adultes. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. On parle de la fessée, de la violence dans l'éducation ce matin à l'occasion de cette série autour de la philosophie de la gifle. Ce qu'on entend, donc c'est une archive France Inter du 11 avril 2002. Daniel Delanoë paraît hallucinant aujourd'hui. Est-ce que l'époque a changé ? Je crois qu'on pourrait plus vraiment dire ce genre de choses. Je l'espère en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que c'est assez passionnant de comparer les deux gestes, les deux gifles, puisqu'on sait que le citoyen qui a giflé Macron est jugé en ce moment. Et François Bayrou s'en est sorti sans rien, je crois. Absolument. Ouais. Oui, c'est très intéressant de mettre ces deux gestes publics. Et c'est pas la même chose, on va préciser, hein, parce qu'effectivement, voilà. On gifle un enfant ou un président. Pourquoi est-ce que c'est pas la même chose ? Voilà. Alors, c'est très intéressant. Justement, on voit que pour le président de la République, un adulte gifle un autre adulte et la justice traite l'affaire. Or, il faut savoir que donner une gifle à un enfant, c'est un délit de moins de 15 ans. C'est un délit puni par le code pénal et très sévèrement. Ça va jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Donc, la justice aurait pu se saisir de ce geste. Le geste de François Bayrou sur ce jeune homme âgé de 10 ans est un délit passible, effectivement, de correctionnel. Il y a eu une approbation sociale considérable, quasiment de tout le corps social. Et il dit lui-même qu'il le revendique, alors en pleine naïveté, on va dire en pleine légitimité. Je fais un travail de parent, de père. Donc ce qui est signifié là est très important, c'est que le statut de l'enfant, c'est-à-dire que la justice ne s'exerce pas sur l'enfant. En d'autres termes, le droit écrit est suspendu dans l'espace de la famille ou dans les relations adultes-enfants. C'est-à-dire que dans la famille, il y a d'ailleurs on peut en parler maintenant si vous voulez. Il y a une jurisprudence qui dit, je vais vous la lire, Cour d'appel de Caen du 7 juillet 1982, alors que le code pénal, donc, qui est un droit écrit, est très précis, 3 ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende, quand c'est sur un mineur de 15 ans, Cour d'appel de Caen, 7 juillet 1982. Il est certain que les coups de pied au derrière, la bousculade, les oreilles ou les cheveux tirés, les calottes, les gifles et même les coups de règle, lorsque de telles violences sont le fait des parents, c'est ça qui est très important, ne sauraient être considérés comme excédant leur droit de correction, dès lors qu'il n'en est résulté aucune trace apparente établissant une brutalité. On en revient. Excessive. À la légitimité de la violence dès lors qu'elle ne laisse pas trace et qu'elle est exercée par un parent sur son enfant. Voilà. 82. Alors que quand c'est un parent qui tape son enfant, c'est une circonstance aggravante dans le délit, dans le code pénal. Le droit de correction, c'est un droit coutumier qui, en théorie du droit, n'est pas opposable au droit écrit. Donc, il y a une suspension de la justice du droit dans l'espace familial. On peut toujours, très intéressant aussi de faire le parallèle avec les violences conjugales, qui, elles aussi, étaient tolérées. Et j'ai appris pendant ces recherches que le droit de correction du mari envers son épouse a été supprimé en 1923. Donc il y avait un droit de correction aussi. Et les violences conjugales du mari sur l'épouse ont été socialement tolérées, de la même façon jusqu'au mouvement féministe contre les femmes battues des années 70. Et il a fallu encore tout un arsenal législatif supplémentaires pour contrôler ces violences. Mais voyez que 1923, suppression du droit de correction du mari envers l'épouse, et il n'est pas encore explicitement interdit en France, malgré la loi de juillet 2019. Donc on est un siècle plus tard, on attend toujours la suppression explicite du droit de correction envers l'enfant. Donc ce qui veut dire que l'enfant, il y a un déni de droit de l'enfant. Ce que ça montre, c'est que c'est une relation en fait de propriété. C'est ma femme, j'ai le droit de la battre. C'est mon enfant, j'ai le droit de le frapper. C'était mon domestique, j'avais le droit de frapper. C'était mon esclave, j'avais le droit de le frapper. Alors que je n'avais pas le droit de frapper l'épouse du voisin, ni l'enfant du voisin, ni le domestique du voisin. Donc c'est une propriété, c'est une relation de domination. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est mon enfant, donc je fais ce que je veux. Alors, on a pour réflexe de se tourner vers les médecins, vers les psychiatres, les psychanalystes, pour voir ce qu'ils en pensent, justement, de cette correction physique administrée à l'enfant. Est-ce que l'enfant grandit mieux? Quel type de mal est-ce que ça lui fait? Je vous propose qu'on écoute une autre archive. On remonte dans le temps aussi, C'est en 1977. La pédiatre et psychanalyste Françoise Dolto est interviewée par Jean-Louis Servan-Schreiber, qui lui demande si elle condamne fermement la violence faite aux enfants. Écoutez sa réponse. Le père qui flanque une raclée ou la mère qui flanque une raclée, et puis après, comme l'enfant pleure, elle va cajoler et l'embrasser. Bon, bah, c'est de la vie de chiot humain, mais ça n'a rien à voir avec l'éducation. L'éducation, ça se parle, mais ça fait partie, quelquefois, des échanges entre parents et enfants, et pourquoi pas, mais c'est pas de l'éducation. Oui, mais vous n'êtes pas tout à fait contre le fait de les battre à certains moments. Écoutez, des parents qui se maintiennent comme ça, parce qu'ils ont besoin de battre leur enfant, ça faut croire que l'enfant il a besoin d'être battu, on n'en sait rien. Mais ce n'est pas de l'éducation. Ce que je veux dire, c'est que tout cela n'est pas de l'éducation. C'est de la vie en commun, de gens qui se supportent plus ou moins mal, qui ont des tensions qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Bon, pourquoi pas ? Mais qu'on sache que ce n'est pas de l'éducation. Mais vous dites qu'il faut respecter les enfants. Pourquoi est-ce que l'on, au fond, vous laisseriez les enfants être battus, même si ça n'est pas comme plate, parce que Mais je ne laisse pas les enfants être battus. Mais vous ne dites pas que c'est quelque chose de scandaleux. Écoutez, justement, à côté de l'éducation victorienne, je connais des enfants qui sont beaucoup plus agressés en parole qu'ils ne le sont par une taloche de leurs parents, qui passent comme ça et les parents, bon, et puis c'est fini. Ce n'est pas avec mépris, c'est parce que ils sont à bout de nerfs. Et être à bout de nerfs et ne pas pouvoir se maîtriser, c'est dommage. Mais surtout si on peut le dire à l'enfant après. Tu sais, je suis très mauvaise éducatrice, j'aurais pas dû te donner une paire de claques. Il y a des mères qui sont très capables de le faire et des pères aussi. Daniel Delanoë, comment comprenez-vous cette position de Françoise Dolto? C'est finalement Jean-Louis Servan-Schreiber qui revient à trois reprises en disant « Mais vous ne voulez pas condamner ?» Elle dit « Mais non, il faut juste dire que c'est pas de l'éducation. » Elle a même cette phrase hein, « Il faut croire que l'enfant a besoin d'être battu. » Oui, alors c'est absolument stupéfiant. On est dans le sens commun, c'est-à-dire que c'est la croyance que alors non seulement qu'il est, elle dit pas qu'il est souhaitable de battre un enfant, mais que c'est acceptable, qu'on peut pas le condamner, qu'on peut surtout pas. On peut le comprendre. On peut le comprendre. Et elle excuse le parent qui est énervé lui aussi. On y revient. Une psychanalyste m'a dit un jour. Cette petite fille à qui son père donnait des fessées prenait une telle jouissance dans cette fessée qu'évidemment son père ne pouvait pas ne pas le faire. Donc ce monsieur de, je sais pas, 30-40 ans, 1m80, était l'objet de cette petite fille de 4 ans et tout ça était toléré au nom de la pulsion, etc. Alors que quand c'est interdit, c'est interdit. Donc et elle le cherche. Donc c'est ce procédé qui est un élément de la domination, c'est-à-dire que la victime est responsable de ce qui lui arrive. C'est un sociologue américain qui a développé ce concept de blaming the victim. C'est la faute de la victime, c'est la faute de la femme si elle est violée. Hein. Elle l'a bien cherché. Donc c'est l'enfant qui est responsable de cette violence, en fait, qui est au contraire, si on remonte dans l'histoire, quelque chose qui est inscrit dans les règlements des écoles, les écoles chrétiennes, il y a des prescriptions extrêmement précises, tant de coups de ceinture, de fouet, de férule. Donc ce n'est pas du tout impulsif, contrairement à ce que dit la psychanalyse là-dessus, en tout cas ces psychanalystes-là. C'est quelque chose qui est socialement construit, toléré, voire même, je pense que c'est une fonction sociale. C'est-à-dire que en frappant l'enfant, en l'humiliant, en le terrorisant, le parent est le relais d'une fonction sociale, d'un processus de domination. En d'autres termes, je pense que le parent exerce à ce moment-là une domination qui inscrit dans le corps de l'enfant le principe hiérarchique. C'est-à-dire que c'est la production et la reproduction de la hiérarchie sociale. Si vous voulez, ce geste qui est apparemment si anodin est jugé comme tellement normal ou justifié ou incontrôlable, en fait, est au cœur de la production et de la reproduction de la hiérarchie sociale, ce qui vient à l'appui de cette thèse, si vous voulez, c'est que la violence éducative apparaît surtout au néolithique avec l'apparition des sociétés hiérarchisées, avec l'apparition de l'esclavage, des castes, des ordres et des classes. Hein. Dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs qu'on a pu étudier encore jusque dans les années 70, les Somaï de Malaisie, les Bushmen du Kalahari, les Pygmées aussi, des anthropologues qui ont fait d'excellents travaux, les parents ne frappent pas les enfants. La seule domination qui existe, c'est la domination masculine, à des degrés plus ou moins importants, Maurice Godelier l'a bien montré. Mais aucun homme ne peut donner un ordre à une femme, aucune femme ne peut donner un ordre à une autre femme. Donc il n'y a pas de chef, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de monarque, il n'y a pas d'empereur, et on ne frappe pas les enfants, et on ne frappe pas les femmes non plus. Donc les études comparatives qui ont été menées font un lien très fort, si vous voulez, entre l'apparition des violences familiales envers la femme et envers l'enfant, et la pratique de la guerre et de l'homicide. Donc, et c'est à ce moment-là, ça apparaît avec les sociétés hiérarchisées, esclaves, etc. Donc, et c'est là aussi que les préhistoriens, les paléanthropologues, ont montré qu'on a des massacres. Hein. C'est la grande violence guerrière apparaît à ce moment-là. Et donc, le néolithique, on passe de la chasse et de la cueillette à l'élevage. Il faut travailler beaucoup plus longtemps. Il faut faire des tâches assez routinières, l'élevage et l'agriculture, alors que la cueillette et la chasse demandent des compétences bien plus élevées. Il faut une coopération, il faut des connaissances encyclopédiques, etc. Donc, c'est daté, historiquement, la violence envers l'enfant. Et après, elle est justifiée. Mais alors, que répondez-vous à ceux qui vous diront que, oui, qu'une fessée, c'est pas grave? En fait, quels éléments avons-nous aujourd'hui à notre disposition pour affirmer clairement qu'il faut bannir toute forme de violence dans l'éducation des enfants? Alors, ça, c'est très important. On a des éléments médicaux. C'est-à-dire que ce n'est pas anodin, contrairement à ce que dit le sens commun. Sylvia Nagasinski avait dit, par exemple, après la gifle de Bayrou, ça n'a jamais fait de mal, une raclée n'a jamais fait de mal à personne. Ça fait pas de mal, ça m'a fait du bien, c'est même grâce à ça que je suis devenu ce que je suis, disent tant de parents qui ont été frappés. Alice Miller a été précurseur pour montrer justement comment cette violence détruit l'enfant, donc la violence grave ou la violence légère. Et on a montré par des enquêtes épidémiologiques qu'il y a des effets. C'est-à-dire que les effets psychiques ne sont pas mesurables à l'œil nu. C'est-à-dire qu'un enfant est déprimé, alors qu'un enfant, Ambroise Tardieu, décrit les sévices au XIXe siècle, chez des enfants morts ou vivants. Les radiologues décrivent le syndrome de Silverman, des fractures étagées successives. Et puis Kempf, en 1960, pédiatre américain, décrit le syndrome de l'enfant battu. C'est visible à l'œil nu, tout ça, ou à la radio. Après, mais ça, c'est les violences. C'est ça. Sévères. Là, on parle pas d'une gifle. Voilà. Alors, la gifle, elle fait pas de marque, mais elle a des effets psychologiques, elle donne des troubles mentaux. Plus on frappe un enfant, plus on le gifle, plus on l'insulte aussi, les violences verbales aussi. Ça a des effets. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation importante chez l'enfant de son agressivité. L'enfant, plus on frappe un enfant, plus il devient agressif, plus il devient déprimé, il a du mal à se concentrer. Et chez l'adolescent, ça favorise le recours aux médicaments, à la toxicomanie. Aux troubles, ça favorise l'apparition de troubles psychosomatiques ou somatiques, hypertension, allergies, etc. Et chez l'adulte, il y a une augmentation aussi des troubles de la personnalité, de la dépression, des troubles somatiques et de la violence conjugale et envers l'enfant. Mais où est le seuil? Dès la première gifle, dès la première fessée? C'est un continuum. C'est-à-dire, les effets sont cumulatifs. Plus on frappe un enfant, plus c'est fort et plus souvent, plus ces effets sont importants. Mais les effets commencent dès la première gifle. Et là aussi, donc ça, et on a montré aussi, c'est très important, des études de neuroimagerie cérébrale qui montrent une diminution de volume des structures impliquées dans l'émotion, le contrôle des émotions, le contrôle des impulsions et la mémoire. Donc c'est toute la psychotraumatologie, si vous voulez, qui s'est développée depuis une vingtaine d'années, qui montre les effets du traumatisme. Mmh. Et donc ces structures-là ont un volume moins fort, moins élevé, plus réduit, enfin un volume réduit par rapport aux enfants qui n'ont pas été frappés. Donc on a aussi à l'IRM les lésions cérébrales qui sont... Et que ce soit hurler devant un enfant... Oui, voilà, parce que là, Dolto faisait la distinction d'ailleurs, violence verbale, violence physique. Pour vous, c'est pareil. Oui, les effets sont montrés. Oui, mais sauf que ça ne laisse pas de traces physiques, la violence verbale, donc c'est plus difficile. Ça laisse des traces cérébrales. Oui, mais il faut faire une IRM. Il faut faire une IRM. Mais les études sont là. Et on a 20 ans d'études qui le montrent. Mais est-ce qu'on n'est pas dans un domaine qui est très flou? Quand on parle de violence, c'est difficile de définir où commence la violence. Est-ce que la violence a quelque chose de subjectif? Comment est-ce qu'on peut statuer de manière légale sur un domaine? C'est comme la question du consentement d'ailleurs. C'est des domaines qui sont très difficilement délimitables par la loi. Ah, écoutez, je pense que c'est pas du tout ineffable. Le Comité des droits de l'enfant de l'ONU en a fait une description exemplaire, enfin très précise. D'ailleurs, la Cour d'appel de Caen en fait une description très précise. Les coups, le pied au derrière, les oreilles tirées, la gifle, la claque, la fessée, c'est juridiquement des violences légères. La menace, l'humiliation, ce sont des violences psychologiques. C'est des descriptions empiriques tout à fait repérables. Donc, on peut considérer que... on peut les décrire, les voir. Je pense que c'est très facile à définir. Elles sont définies légalement. Mmh. Père, je vous en conjure, pardonnez-nous. En dépit de l'heure tardive, personne autour de cette table n'a mangé ce soir. Croyez-vous que nous pouvons manger et boire avec la pensée qu'il vous est peut-être arrivé quelque chose? Croyez-vous que nous pouvons manger et boire maintenant que vous réapparaissez devant nous avec des excuses mensongères? Je ne sais pas ce qui m'attriste le plus ce soir, votre disparition ou votre retour. Aujourd'hui, nous irons tous nous coucher à jeun. Vous conviendrez sans doute avec moi qu'il n'est pas possible que votre attitude demeure impunie si nous voulons à l'avenir continuer de vivre en partageant une estime réciproque. C'est pourquoi je vous donnerai, demain soir à la même heure, en présence de tous vos frères et sœurs, 10 coups de verge chacun. D'ici là, vous aurez le temps de réfléchir à la gravité de votre faute. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, père. Oui, père. Bien. Alors maintenant, allez tous vous coucher. Votre mère et moi, nous allons passer une mauvaise nuit, parce que nous savons que demain je dois vous battre, et cela nous est beaucoup plus douloureux que les coups ne le seront pour vous. La vie des hommes n'est tout entière qu'une peine, car tout entière, elle n'est qu'une tentation. Les saintes lettres s'écrient, n'est-ce pas une tentation continuelle que la vie de l'homme sur la terre ? Et le défaut de sagesse ou l'ignorance est une grande peine et tellement à fuir aux yeux de la raison que l'on n'épargne point aux enfants les peines les plus douloureuses dans l'apprentissage des arts ou des lettres. Et l'étude même qui leur est imposée par la menace des peines est une peine si vive que souvent ils préfèrent à l'étude les peines qui les obligent à l'étude. Qui ne frémirait, qui ne choisirait de mourir si l'alternative était proposée de souffrir la mort ou de recommencer l'enfance? Car ce n'est point par la vie, mais par les pleurs qu'elle prophétise, pour ainsi dire, à son insu. Ainsi, cette sentence de l'Écriture, le joug est appesanti sur les enfants d'Adam depuis le jour de leur sortie du sein de leur mère jusqu'au jour de leur sépulture au sein de la mère commune. Cette sentence, dis-je, veut être accomplie si rigoureusement que les enfants même, affranchis par le bain régénérateur des liens du péché originel, le seul qui pèse sur eux, entre une infinité de maux qu'ils souffrent, sont parfois encore exposés aux invasions des esprits de malice. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Dans votre livre, Daniel Delanoë, hein, Les châtiments corporels de l'enfant, une forme élémentaire de la violence aux éditions RS, vous montrez comment dans chacune des religions, les plus connues en tout cas, même d'ailleurs les moins connues, un certain rapport à l'enfant et la violence utilisée pour corriger l'enfant va être justifiée. Si on s'arrête sur le cas du christianisme, puisqu'on a entendu un extrait du film de Haneke, Le ruban blanc, du côté plus du protestantisme, et puis on vient d'entendre un texte d'Augustin, La cité de Dieu, hein, donc plutôt du côté du catholicisme. Dans les deux cas, il y a une justification anthropologique. L'homme est né pécheur. Dès sa naissance, il est du côté du mal. Il est du devoir de l'adulte de le corriger pour essayer d'extraire en lui ce mal originel qui, de toute façon, est constitutif. Tout à fait. Et donc, saint Augustin est l'inventeur du péché originel. Déjà, dans la Bible, on avait des proverbes qui justifiaient, je vais vous en lire quelques-uns, oui, les châtiments corporels. « Celui qui ménage les verges est son fils, mais celui qui l'aime le corrige de bonheur. Tant qu'il y a de l'espoir, châtie ton fils, mais ne va pas jusqu'à le faire mourir. La folie est ancrée au cœur de l'enfant, le fouet bien appliqué l'en délivre. Ne ménage pas à l'enfant la correction. » Si tu le frappes de la baguette, il n'en mourra pas. Donc, on a cette prescription. Mais l'enfant n'a pas fait de faute particulière, là, dans la Bible. Bah, il est né. Il est né. Il est né. Mais il n'est pas porteur du péché originel. C'est saint Augustin qui impose cette conception, contre Pélage, d'ailleurs, qui disait non, un autre père de l'Église contemporain, qui disait non, l'enfant ne n'est pas porteur du péché originel, mais Augustin a eu gain de cause, contre Pélage, grâce à l'appui de l'empereur, et Pélage a été expulsé. Et donc, l'enfant, donc, naît porteur du péché originel, et le baptême ne suffit pas. Pour chasser Satan du cœur de l'enfant, il faut les verges, il faut les fouets, il faut tout cela. Et le parent devra frapper l'enfant, parce que s'il ne le frappe pas, non seulement l'enfant ira en enfer, mais le parent ira en enfer. Or, la terreur de l'enfer, c'est quelque chose qui a dominé tout l'Occident, et même d'ailleurs, on le retrouve aussi dans l'islam. Donc c'est une terreur immense. Luther avait pour lui, l'enfer, c'était un lieu géographique, pas très loin, là-bas. Donc elle a vraiment complètement modelé la conscience et la vie, les pratiques de toutes ces sociétés-là. Et d'ailleurs, j'ai fait un entretien avec une famille qui venait du Portugal, un des pays les plus catholiques d'Europe, c'est pour ça que j'avais choisi cela. Et donc, c'était sous la dictature de Salazar, elle était obligée d'aller à la messe et de se confesser. Si on n'y allait pas, on était traité de communiste et c'était très dangereux. Et c'est ce que disait le prêtre, il disait « Vos enfants sont péchés, rentrez à la maison et corrigez-les. Et sinon, l'enfant ira en enfer et vous aussi. » Et les parents rentraient à la maison et frappaient les enfants. Calvin est très augustinien lui aussi, et on voit bien avec ce pasteur, c'est un pasteur justement dans le ruban blanc, ouais. Lui aussi en rajoute une couche et dit vraiment qu'il fait un tableau encore plus haïssable de la nature de l'enfant et une des recommandations encore plus sévères de châtiment. Et il faut briser la volonté de l'enfant. C'est vraiment le leitmotiv des protestants, briser, breaking the will. Il s'agit de briser la volonté de l'enfant. Erasme décrit, d'ailleurs, lui aussi, il va dans une école, chez un chrétien, une école chrétienne, bien sûr, à son époque, et le théologien, le directeur, fait venir un enfant que sa mère lui avait confié en disant qu'il était fragile, et il fait venir son aide, et qui lui dit « frappe l'enfant ». Il frappe l'enfant, et l'enfant s'écroule inanimé sous les coups, et Erasme dit « mais il n'avait rien fait ». Le théologien dit « c'était par principe ». Donc, l'enfant doit, par principe, être frappé. On voit bien que, d'ailleurs, si on repart un petit peu au niveau du droit, les raisons pour lesquelles on frappe un enfant aujourd'hui. Un petit enfant, il fait tomber quelque chose, il casse une assiette par maladresse, etc. On n'est pas dans le principe de la proportionnalité des peines de Beccara. 18e siècle, Beccara, juriste italien, propose la proportionnalité des peines, ce qui est maintenant dans le droit moderne. Non, il n'y a pas de proportionnalité entre la souffrance, l'humiliation infligée à l'enfant et ce que l'enfant a fait. C'est sans commune mesure. Même s'il fait exprès d'ailleurs de casser le verre. Et même s'il fait exprès de casser le verre, si vous voulez. Donc il y a une démesure. Donc là, on pourrait reprendre aussi, à toute proportion gardée, mais le principe est le même, ce que dit Foucault du supplice, il ne rétablit pas la justice, il rétablit le pouvoir. Il terrorise la population. Donc le châtiment corporel de l'enfant, ou les contraintes, ou l'humiliation, les mises au point, etc., ne sont pas justes, elles servent à établir de la terreur, de la soumission. C'est ça la logique sociale. Et donc, pour reproduire... Et donc, cette suspension du droit obéit à cet impératif social. Et d'ailleurs, quand la France a été condamnée en 2015 par le Conseil de l'Europe pour ne pas supprimer, pas interdire le droit de correction et ne pas légiférer, il y a eu des réactions absolument scandalisées d'hommes politiques, de psychanalystes. Et par exemple, Bruno Le Maire a dit « Moi qui suis père de 4 enfants... » On lui laisse la parole. On lui laisse la parole. De quoi se mêle le Conseil de l'Europe ? Est-ce que l'Europe n'a pas mieux à faire ? Alors c'est le Conseil de l'Europe, vous me direz, c'est pas la Commission, c'est pas le Conseil européen lui-même. Mais de quoi se mêle-t-il ? Il a peut-être mieux à faire dans la situation de crise majeure que nous vivons, avec un chômage qui a explosé dans certains pays, avec le risque de voir la Grèce sortir de l'euro, avec une menace islamiste qui pèse sur le continent européen. De quoi vient nous parler le Conseil de l'Europe ? De la fessée. Eh bien qu'il nous fiche la paix et qu'il laisse les citoyens européens tranquilles, qu'il laisse les citoyens français libres de décider la manière dont ils éduquent leurs enfants. Je conteste au Conseil européen le droit d'aller me dire à moi qui suis parent de 4 enfants ce que je dois faire et j'ai pas envie que le Conseil de l'Europe vienne me dire comment je dois éduquer mes enfants. Alors que répondez-vous à Bruno Le Maire, Daniel Delanoë ? Alors je lui pose la question, est-ce que le droit doit s'arrêter à l'entrée des foyers, à la porte des familles ? José Pinheiro, qui a fait un rapport pour l'ONU sur les violences dans le monde, disait « le droit ne doit pas s'arrêter à l'entrée des familles. L'espace ne doit pas être la famille ne doit pas être un espace hors droit. » Le principe démocratique est suspendu, lui aussi, avec la justice, dans la famille. La famille n'est pas un espace démocratique. Il l'est relativement, mais beaucoup moins que l'espace extérieur. D'ailleurs, c'est bien décrit que la famille est le haut lieu de la violence conjugale et de la violence envers l'enfant. Donc c'est un discours antidémocratique. C'est un discours qui ne respecte pas les droits de l'enfant. Ça veut dire qu'il faut savoir renoncer à une forme de liberté. Ici, Bruno Le Maire fait valoir la liberté qu'elle a, en tant que père, d'éduquer ses enfants comme bon lui semble. Absolument. Tout à fait. Ce qui peut être difficile, mais alors, certaines personnes peuvent ne pas être convaincues. Oui, et c'est là où le droit rentre en scène. C'est là toute la difficulté. Ce qui est très intéressant, c'est de faire le parallèle avec la violence envers les femmes. Oui. Dont on parle beaucoup plus en ce moment, d'ailleurs. Oui, c'est très bien qu'on parle de cette violence et des féminicides, mais je trouve qu'on ne parle pas assez des violences envers l'enfant, et je vous remercie d'aborder le sujet. Oui, par exemple, si maintenant on disait, si un homme politique dit, je conteste au Conseil de droit de l'Europe, de me dire comment je dois me comporter avec mon épouse et m'interdire de la frapper. Ça n'aurait aucune approbation sociale. Mais quand c'est l'enfant, là, on l'accepte. C'est-à-dire qu'on accepte pour l'enfant une violence qu'on n'accepte pas pour l'adulte, pour l'épouse, alors qu'elle est majeure, qu'elle peut s'enfuir, qu'elle peut travailler, alors que l'enfant est beaucoup plus fragile, il est en période de devenir, les violences vont marquer son cerveau, son psychisme de manière beaucoup plus grave, il n'a absolument aucune ressource, il ne peut pas porter plainte contre ses parents. Il n'a pas de droit, donc l'état de minorité, si vous voulez, qui est socialement aussi construit et arbitraire, est beaucoup plus grave. La situation de l'enfant est gravissime de ce point de vue-là. Bien sûr, les droits de l'enfant ont progressé, les violences majeures, les sévices sont interdits, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Mais il reste ce noyau de la violence donc éducative, et on pourrait y inclure aussi les violences sexuelles légères. Hein. Il faut faire un bisou, il faut toute cette proximité, le non-respect de l'intimité, ça s'englobe dans ce qu'on peut appeler la domination parentale ou la domination adulte, qui est aussi un concept qui a été développé par Yves Bardel, un essayiste très intéressant, qui est là aussi quelque chose de complètement méconnu. Et je trouve que c'est une domination tout à fait intéressante à développer, la domination adulte, qui se caractérise par le fait qu'elle s'arrête à 18 ans. Alors que quand on est une femme, quand on est racisé, quand on est, etc., en général, ça ne s'arrête pas à un certain âge. Donc, il y a des caractéristiques et on passe du côté des dominants à ce moment-là. Mais donc, la violence envers l'enfant est tolérée, alors qu'une violence équivalente est moins, qui a des conséquences moins graves, chez la femme, n'est pas tolérée socialement. Ce qui montre effectivement que le statut de l'enfant est celui d'une domination très importante, symbolique, juridique, physique, psychologique. Le problème n'est-il pas que lorsqu'on va dans votre sens, on arrive à l'excès inverse? Est-ce que d'aucuns pourront vous rétorquer, oui, mais alors dans ce cas, c'est quoi? C'est le règne de l'enfant roi. C'est le roi qui décide de tout, on lui met plus de limites, et finalement, ça va tout autant le détruire psychologiquement que si on le corrigeait fermement une fois pour toutes. Alors, c'est l'argument classique. Un peu en dernier recours, finalement, des gens qui réclament le droit à la violence, finalement. Par exemple, dans le couple, si on disait, mais est-ce que vous pourriez vous parler au lieu de vous taper dessus? Si on disait à un mari, mais on vous interdit de frapper votre femme et vous pourriez peut-être parler à l'enfant, à votre épouse. Vous pourriez lui parler, discuter entre vous. On ne dirait pas que ce soit le règne de l'épouse roi, hein, de l'épouse reine. Donc là aussi. Et en fait, empiriquement, on voit qu'il y a la coexistence de l'absence de limites, très souvent, et de la violence. C'est-à-dire que la violence et la carence sont souvent associées. Mmh. Et qu'en Suède, par exemple, où on a une bonne expérience, on a fait une campagne d'information très intense dès 1979 auprès de toutes les familles, auprès des parents. C'était marqué sur toutes les boîtes de lait qu'il fallait plus frapper les enfants, etc. Et donc, il y a eu un soutien à la parentalité. On a réfléchi à la façon d'éduquer les enfants sans violence. Et on peut y arriver tout à fait. Et c'est pas pour autant qu'on ne met pas de limite. Alors voilà, mais est-ce que toute limite est une forme de violence? Non. Est-ce que toute punition est une forme de violence? Oui, absolument. Et ce qui permettrait de repenser ce qui se fait à l'éducation nationale. Hein, les heures de colle, etc. Enfin, toute la violence psychologique. Moi, je vais dans des écoles et je vois chercher des enfants pour des séances de psychothérapie. Je vois des instituteurs qui hurlent sur l'enfant. Regarde-moi! Et pourquoi tu fais ça? Un petit enfant qui a 8 ans, qui est terrorisé, qui a la sidération traumatique, le hurlement. C'est une violence. La privation de liberté avec les heures de colle, la privation de tout ça. Ce sont des violences, bien sûr. Mmh. Alors ça, c'est le cadre de l'école. Si on revient à la famille, encore une autre objection, d'aucuns, encore eux, vous rétorqueront, oui, mais on fait ce qu'on peut. c'est quand on est parent et soi-même enfant, ancien enfant battu, ou qu'on a soi-même subi des dominations, on reproduit malgré soi ces dominations-là et on peut ne pas se contrôler sans que ça justifie, mais ça peut expliquer une perpétuation d'un état de fait. Oui, mais on peut se contrôler, on se contrôle pas, d'autant plus que c'est pas interdit. C'est ça, donc d'où l'utilité de la loi qui vient sanctionner ces comportements. C'est-à-dire qu'avant la loi, je disais aux parents, bah, écoutez, j'imagine que vous n'êtes pas content parce que vous avez reçu un mot du directeur, et donc vous donnez, comment vous réagissez, bah, je donne des claques, etc. Il dit, figurez-vous, on s'est aperçu que ça marche, enfin que ça aggrave les choses. Et alors les parents me disaient, ah ben oui, c'est vrai. Je lui dis, mais est-ce que ça marche? Oui, alors, ça ne marche pas aussi. Il y a des études qui ont montré que ça ne marche pas. Que gifler son enfant parce qu'il se comporte mal est contre-productif. Ne va pas dans le sens éducatif, mais produit le contraire de ce qui est attendu. Ironie pathétique, terrible si vous voulez. Donc, les parents battent leur enfant pour un objectif qu'ils n'atteignent pas, ils atteignent le contraire. Ta-Nehisi Coates, cet essayiste afro-américain qui a écrit une lettre à mon fils, il raconte à juste titre que la hantise des parents afro-américains, c'est de voir leur enfant, en particulier leur fils, tué, soit dans par un gang, dans une bande rivale, ou par la police. Et donc, pour que ce soit pas la police qui te batte ou qui te tue, moi, je te frappe. C'est absolument pathétique, parce que le frappant, il va augmenter l'impulsivité de l'enfant. Et donc, le mettre dans une disposition qui va l'amener à être au contraire impulsif, et pas se contrôler face à la situation de danger que représente le contact avec la police. Donc, c'est absolument pathétique. Et un père qui venait d'Afrique de l'Ouest m'a dit, qui frappait son enfant, m'a dit, quand je vais dans la rue avec mon fils, je lui montre des fourgons de police, je lui dis, tu vois, c'est pour ça que je te donne des coups de ceinture, c'est pour que tu ne te retrouves pas à la police et pas en prison. Or, c'est, les gens pensent bien faire, mais ils font exactement le contraire. Et d'ailleurs, on le voit bien dans le ruban blanc. Ouais. Ces enfants sont complètement pervertis et deviennent une cruauté terrible. Mais d'ailleurs, quand le père dit, est-ce que vous êtes d'accord que je vous tape? Ils disent, oui, mon père. Oui. Absolument. Et ils deviennent cruels envers le petit enfant handicapé. Donc, ce n'est pas efficace, ça produit le contraire de ce qu'on veut. Donc, déjà, quand on arrête de frapper un enfant, l'enfant va mieux. L'enfant est moins agressif. Et il faut dire aussi qu'un des effets quand même majeurs de ces effets, c'est l'enfant a du mal à se concentrer, il est agité, donc il a des difficultés scolaires, ça peut être un facteur important d'échec scolaire. L'échec scolaire est quasiment permanent dans la délinquance. Vous voulez, dans une maison d'arrêt, etc., l'échec scolaire est permanent. Donc, on a dépensé, peut-être moins maintenant, des milliards pour prévenir la violence. L'interdiction de la violence éducative et une campagne d'information d'aide aux parents, comment faire, justement, pour aider, il y a une étude qui a montré qu'il faut faire les deux, à la fois interdire, informer les parents et leur proposer, les aider à éduquer sans violence. Il faut faire les deux pour modifier les comportements. C'est ce qu'a fait l'Allemagne, par exemple, et ça marche très bien. Donc, on peut tout à fait, là aussi, c'est pas du tout ineffable, on peut tout à fait, et il y a des gens qui travaillent là-dessus, mais plutôt à la périphérie des centres, il n'y a pas de recherche académique, si vous voulez, plutôt des associations qui font un excellent travail, Catherine Dumontet-Crémer, des tas de gens comme ça, qui font un travail, mais il n'y a pas de recherche académique là-dessus, et c'est un sujet majeur. Hein. Ah oui. Il faudrait les faire sur comment éduquer les enfants sans violence, et on peut tout à fait mettre des limites sans violence, au contraire. Et je rajouterais que c'est à ce moment-là, ce que je dis aux parents, c'est à ce moment-là que le parent gagne son autorité, au sens d'Anna Arendt, que vous aimez bien citer. La phrase d'Anna Arendt est géniale. Là où la force est employée, l'autorité proprement dite échoue. Voilà. C'est pas plus synthétique. Donc, là, on va accéder précisément à l'autorité. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire aux parents, c'est que vous allez abandonner la violence pour accéder à l'autorité. C'est-à-dire que l'enfant ne va pas obéir sous terreur, puisque l'enfant doit obéir. Et là aussi, c'est une violence, par principe. L'enfant, on le voit bien dans le film tout à l'heure, hein, obéit. Non. Un mari ne peut pas dire à sa femme, obéit. Donc, il y a une injonction à l'obéissance. Et donc, c'est de la terreur, c'est du rapport de force, c'est de la force. Et donc, si on renonce à la violence, à la force, on va aller dans l'autorité telle que Anna Arendt, elle définit si bien. C'est-à-dire que l'autorité, elle sera conférée par l'enfant à son parent, qu'il jugera sage. C'est le parent qui deviendra sage à ce moment-là. Et l'enfant va respecter la sagesse. Un tout dernier point, Daniel Delanoë. Quel rôle joue pour vous les récits, la littérature, en général, celle qui justement permet à des individus de prendre la plume et de raconter ce qui leur est arrivé. Ça arrive de plus en plus, hein. Vous citez notamment Édouard Louis dans votre livre, mais on pourrait penser à Yann Moix et à beaucoup d'écrivains qui aujourd'hui racontent les sévices qu'ils ont subis et l'ambivalence toujours avec laquelle celle-ci, ce type de littérature est accueillie. Est-ce que nous ne sommes pas prêts à entendre ça, ou il y a toujours un doute? Est-ce que ça nous renseigne quant à notre rapport à la violence faite aux enfants? Oui, je crois. Annie Ernaux, d'ailleurs, elle aussi, elle raconte une très belle gifle. Et justement, chez l'adolescent, c'est quand l'adolescent échappe au contrôle de la sexualité, de sa sexualité. Le récit ne suffit pas. En effet, le récit de la souffrance ne suffit pas à modifier la croyance. En effet, c'est comme dirait Alice Miller, il y a toujours l'idée que c'est pour le bien de l'enfant. Hein. Le récit ne suffit pas. Non, il faut montrer la nocivité et l'enjeu social et la fonction sociale. Je crois que on a besoin, bien sûr, de ces récits, et Jules Vallès, bien sûr, c'était... Et le premier à avoir fait un récit autobiographique. On n'a plus le temps de l'écouter, malheureusement, on arrive à la fin. On avait effectivement un très beau texte de Jules Vallès, mais on mettra les références en ligne parce que ça vaut le coup. On a cette phrase « Ma mère dit qu'il ne faut pas gâter les enfants » et elle me fouette tous les matins. Et ça finit avec « Mon premier souvenir date donc d'une fessée ». Effectivement, ça, on est en 1879, un des premiers récits d'enfants qui se fait battre. Avec le récit est d'ailleurs sur un ton assez faussement humoristique. Hein. Oui. Et il ouvre une lignée comme ça de textes littéraires qui vont venir proposer ce même type de récit. En attendant, on peut lire votre livre, Daniel Delanoë. Il s'appelle « Les châtiments corporels de l'enfant, une forme élémentaire de la violence ». On le trouve aux éditions RS. Merci infiniment d'être venu en parler ce matin. On mettra toutes les références en ligne. Et j'en profite aussi pour rappeler que votre livre précédent s'appelait « Sexe, croyance et ménopause » aux éditions Hachette. Vous êtes le spécialiste des sujets dont on peine à parler, au fond, non? Un peu, oui. Les dominations invisibles. Voilà. Et je renvoie également à la lecture de cet ouvrage. Merci beaucoup. On se quitte avec un grand classique de la chanson. C'est pas de la chanson française, mais c'est un classique qu'on entend aussi beaucoup en France et qui raconte justement le récit des violences faites aux enfants. Il s'agit de Suzanne Vega. Sur les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver la question philo du jour d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes, tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Est-ce que vous êtes encore dans votre forêt de châtaigniers? Non, aujourd'hui c'est repos, pas de vélo. Ah, pas de vélo, donc chronique quand même, tant mieux. Et vous avez une question du jour qui est la suivante. D'où vient que les courtisans réussissent? Eh bien, il faut que je vous raconte une aventure assez ridicule qui m'est arrivée. Alors, il y a eu MeToo, Black Lives Matter, le développement des ZAD, la crise des Gilets jaunes, mes lectures de Benjamin et de Brecht, et pour finir même de Marx. Bref, il m'est arrivé ce qui n'est pas censé se passer. À 40 ans, j'étais devenu de gauche. Parenthèse amusante, un ancien programmateur des Matins m'avait avoué un jour que l'une des causes premières de mon recrutement jadis comme chroniqueur avait été mon libéralisme assumé, idéal pour colorer cette antenne qu'on accuse parfois, à tort, de stalinisme, le stalinisme de la bien-pensance. N'avais-je pas déclaré un journalisme de challenge qui n'en attendait pas tant que mon rêve dans la vie était de rouler en 4x4 et d'habiter la Défense? Ça fait beaucoup d'informations d'un coup là, Aurélien. Mais donc ça s'est pas produit? Bah effectivement, non, ça ne s'est pas produit, un inexplicable accident de parcours. J'aurais même tendance à me gauchiser encore. Je m'en suis rendu compte récemment en écoutant Mélenchon sur cette antenne justement parler de la Commune. Je l'avais trouvé un peu de droite et presque plus du côté de Thiers que de Louise Michel. J'avais justement, ce jour-là, rendez-vous avec l'un de mes plus vieux amis qui lit Le Point depuis toujours. Je lui racontais James Scott, l'anthropologue anarchiste, le Benjamin de Critique de la violence. Je lui disais que ce monde était en train de mourir et qu'on repasserait bientôt de l'autre côté du bon de la révolution néolithique. J'oublie de dire que je venais de parler au téléphone avec une journaliste du Monde à l'occasion des 1 an d'une réunion qu'avait organisée Macron avec le monde de la culture, réunion dont, un peu inexplicablement, j'étais. J'oublie de dire aussi que j'étais alors admissible à l'oral de la Villa Médicis. J'étais de ceux qui dînent à l'Élysée. Je pouvais bien être de ceux qu'on paye pour dire la beauté du monde sous des pins parasols devant la façade façon album Panini du glorieux édifice. Bref, ce soir-là, je marchais sur des œufs. Ce n'était pas le moment de déplaire au prince. Pour un anarchiste, j'étais ce soir remarquablement peu du côté de la liberté de la presse. Je n'ai laissé passer, je crois, à peu près qu'une seule moquerie sur ce président qui n'aimerait rien tant que de repasser sans cesse son grand oral de l'ENA. Mais le pire était encore à venir. Une conseillère du président, soudain, alors que je dissertais donc sur la lutte des classes, un verre de champagne à la main, m'a appelé pour me prévenir que le monde risquait de m'appeler et qu'elle était disponible pour me donner des éléments de langage. J'ai ricané bêtement, trop tard. Et en pleine montée d'alcool, je me suis dit qu'elle était probablement en train de se jouer, là, mon année à la Villa Médicis. Et donc, vous y êtes allé ? À la Villa Médicis ? Bah non, pas du tout. C'est tout le point de mon anecdote. Ça n'a pas marché. Et l'énigme n'en est restée que plus entière. Aurais-je dû demander ? Je n'ai pas osé le faire. Un coup de pouce élyséen. Mais n'a-t-on pas cru, à cause de ce satané article du Monde, dans lequel clairement je couvrais Macron, que j'avais manœuvré en douce, et n'avait pas-t-on voulu m'évincer dès lors pour ne pas faire entrer le loup dans la bergerie ? Et donc, voilà. J'en viens à mon point, courtisan, voilà clairement un métier difficile, plus difficile encore je crois que celui de président de la République. Mais vous vous dites que pourtant ils finissent par réussir. Oui, et donc j'ai réfléchi, je crois que j'ai compris pourquoi, à l'issue de cette séquence un peu ridicule, le courtisan réussit non pas car on le croit sincère, ni même potentiellement nuisible, il réussit car il fait l'effort ostentatoire de croire aux grandeurs de ce monde qui n'a pas d'autre grandeur que d'être aussi intensément cru par ceux qui veulent s'en emparer. Pauvre monde, donc, qui se fait si souvent arnaquer qu'on en viendrait presque à le plaindre. Mais pauvre monde, si rempli de courtisans qu'il en devient irrésistiblement joyeux. Le courtisan, comme le dit à peu près Benjamin dans son essai sur le drame baroque, c'est ce qui vit encore quand la politique est morte. C'est la seule liberté qui reste aux grands mélancoliques. Merci beaucoup Aurélien Bélanger. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour accomplit un travail formidable pour donner lieu à cette émission quotidienne du lundi au vendredi. Mais oui, tous les jours, derrière le poste, se trouve Clémentine Marais aujourd'hui qui a préparé cette émission avec Manon Delasselle, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, à qui l'on doit le merveilleux site des Chemins de la Philosophie. Allez-y, hein, vous y trouverez des photos, des références bibliographiques, des citations de l'invité concernant l'émission du jour. Il est très riche, très bien fait et il vous permet de réécouter l'émission notamment. À la réalisation cette semaine, c'est Laurence Malonda. À la prise de sang, justement, c'est Jacques Hubert. À la lecture des textes, c'est Bernard Gabet. J'espère que mon petit n'écoute pas cette émission. Je vous donne rendez-vous demain à la suite, pour la suite de cette série autour de la gifle, philosophie de la gifle. Nous serons en compagnie de Luc Foineau. On parlera du philosophe Hobbes et de savoir dans quelle mesure celui-ci justifie l'affront fait au souverain. Peut-on ou non gifler le souverain légitimement ? Ça dépend des systèmes de pensée, ça dépend des systèmes politiques également. Demain donc, philosophie au sens propre du terme de la gifle. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission en la podcastant, la téléchargeant grâce à l'application Radio France notamment. Allez aussi sur iTunes ou Spotify, tous les moyens sont bons. Et on se retrouve demain à 10h, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.